Elle a à peine la majorité et l'esprit tordu. Elle aime contre le mur et position de la tortue. Mais ne crois pas que pour elle c'est de la torture. Alors Inès bouge ton body, m'as-tu entendu? Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton body sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton body sans cesse. Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton body sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton body sans cesse. Inès a pas chier son cours de fitness et mentir à ses parents pour aller à une soirée sexe. Ce soir elle veut juste décompresser, changer les idées car l'examen ça l'a un peu stressé. Qu'elle recherche man c'est du vrai sexe, un Will Badman qui a beaucoup d'ex. Payant ce, Inès n'a pas froid aux yeux. Fais ce que tu veux, tu la respectes et tout ira pour le mieux. Elle aime se dégourdir les jambes et faire les vestis dans sa chambre. Elle aime quand c'est long et quand ça tremble et quand ça glisse entre les jambes et sous la côte il faut s'attendre. Elle aime quand c'est long et quand ça dure et quand on la pince contre l'ur. Lâche-lui un coup le fur et à mesure, n'oublie pas le chocolat, la confiture. Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton booty sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton booty sans cesse. Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton booty sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton booty sans cesse. Parfois ne supporte pas qu'Inès écoute son jamaïcain. Qu'elle sait bouger ses fesses comme les jamaïcains. Ça fait un moment qu'Inès bâche ses cours de fitness pour retrouver ses copines dans une sorte de soirée sexe. Mais Inès est vraiment sexy, sans perdre de temps, avec elle on parle sexy. T'es artiste ou rasta, bad boy et basta. Elle donnerait même son corps pour se rapprocher des masters. Elle est très culottée, elle pourrait débarquer en soirée sans culotté. Mais la Sully, mais elle sera pas soumise. Quand elle est trop saoulée, elle se transforme en Katsumi. Avec des habillements énormes d'au moins 100 kilotés. Si t'es pas entendu, tu ne seras pas la pilotée. Mais ne la prends pas pour une pute, qu'elle sait se faire respecter. Et fais gaffe à toi, son père est un inspecteur. Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton booty sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton booty sans cesse. Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton booty sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton booty sans cesse. Inès, vas-y bouge tes fesses. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors Inès, vas-y bouge tes fesses. Bouge-moi tout ça et jette ton booty sans cesse. Tout le monde le sait que t'es une vraie tigresse. Alors fais pas ta timide et jette ton booty sans cesse.